notre héritage. Guéris cet héritage. Restaure cet héritage. Fais-nous vivre dans notre héritage. Protège notre héritage. Au nom de Jésus. Amen. Nous asseyons devant le Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Tu peux m'aider à accueillir ton voisin et connaître son nom. Accueille le voisin. Connais son nom, s'il te plaît. Ah. Nous commençons la dernière semaine de notre tournant décisif et Dieu est en contrôle. Vous savez, il va arriver des moments où Dieu va commencer à opérer à des dimensions supérieures que certaines fois d'aucuns peuvent s'étonner de dire, mais on n'est pas en train d'entendre des témoignages. Il y a des choses que Dieu va faire à des dimensions élevées, telles que celui qui voulait entendre quelqu'un crier ou quelqu'un dire je viens d'être guéri. Il y a des guérisons à des dimensions supérieures. Il y a des actions divines dans des grandes dimensions que Dieu fait et tu ne sais pas quoi dire. Mais Dieu a déjà agi. Dieu t'a déjà amené à un niveau que tu ne sais pas expliquer, mais tu y es déjà. Je crois que c'est là que Dieu est en train d'amener l'Église et que c'est là que Dieu doit amener l'Église. Nous aider à commencer à percevoir des choses beaucoup plus importantes et à commencer à faire des prières régionales, des prières nationales, des prières des générations, des prières qui n'ont plus d'impact sur l'individu, mais qui ont de l'impact dans des sphères spirituelles, où il y a des modifications, des fonctionnements dans les lieux célestes, des modifications d'opérations dans l'Église de Jésus-Christ, corps de Christ. Et quelquefois, ça sera difficile que tu sois capable de formuler un témoignage, mais tu deviendras le témoignage. Amen. Alléluia. Tu n'auras pas besoin de dire, Dieu a agi, Dieu a fait, Dieu m'a fait. Non, tu deviendras toi le témoignage. Celui qui te verra constatera que ça, c'est un témoignage. Quand Jésus dit aux apôtres, vous serez mes témoins. Dans le langage original, ça signifie vous deviendrez un témoignage. Alléluia. Alors ce matin, nous voulons poursuivre sur le premier chapitre de notre tournant. Vous savez, le thème central, c'est tout ce qu'il fait lui réussit selon Psaume 1, 1 à 3. Et puis Josué 1, 6 à 9, nos textes base du mois. Mais également, nous avons commencé la première semaine à parler du premier chapitre de ce mois qui était les bases de la réussite selon Dieu. Alléluia. Les bases de la réussite selon Dieu. Et tu vas lire avec moi Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. Si tu as ta Bible, nous y allons. J'aimerais donner un conseil à l'Église. Le projecteur ne nous recommande pas de laisser les Bibles à la maison. Simplement parce que tu peux avoir besoin de souligner dans ta Bible, tu n'iras pas souligner sur les tableaux ici. Tu peux avoir besoin de retenir une portion de l'écriture ou de mémoriser cela, mais là, nos amis auront déjà fait passer le verset. Donc, viens toujours avec la Bible. En cas de force majeure, tu peux suivre au tableau, mais aie ta Bible avec toi. N'aie pas honte de ta Bible. Amen. Amen. Alors, cette semaine, disais, c'est la dernière pour ce tournant décisif. Et je voudrais recommander quelqu'un à prier plus qu'avant. Si tu priais 20 minutes, prie 40. Parce qu'il faut racheter le temps perdu. Si tu n'as pas réussi à bien prier durant toutes les 4-5 semaines, eh bien profite de racheter. Si tu vas prier doublement, prie doublement. Si tu vas jeûner dans les jeûnes, jeûne dans les jeûnes. Amen. Amen. Amen. Qui sont dans le tournant décisif? C'est tout le monde. Qui ne sont pas dedans? Ok. Alors cette semaine, le samedi, qui est la journée de l'indépendance, nous serons ici de 9h à 15h. Nous allons prier et nous allons écouter la parole. Et nous allons prier pour notre pays. Amen. Et on va clôturer dimanche avec la Sainte Cène. Mais le vendredi, vous êtes tous invités à la proclamation de notre école, Jacques-André Verneau. Et par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, nous serons avec la fille du pasteur Verneau, Liliane, et le pasteur Nsembe, et si Dieu le permet, les autorités. Le vendredi, l'avant-midi, on va vous fixer l'heure précise. Je crois que ce sera de 8h à 11h ou quelque chose de ce genre-là. Alléluia. Et dans ces cultes, on aura l'occasion de vous montrer un spot de l'école, ce qui se passe là-bas. On va inviter le directeur, il va nous en parler pendant 2-3 minutes. Alléluia. Alléluia. Qui sent qu'il a vraiment prié depuis le début? Qui sent qu'il est vraiment en train de prier? Ok. Les bases de la réussite selon Dieu. Nous lisons. Ce n'est pas, allons-y, 1, 2, 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. La première base, la réussite, savez-vous, tu ne peux réussir dans la vie sans base. Aucun objectif ne peut vraiment arriver à son exécution, à son accomplissement sans base. Même une voiture ne sait pas rouler sans base. Il faut de base pour réussir. Tu n'arriveras à rien si tu n'as pas de base. Et nous avons vu que la première base, c'est connaître ton nom divin. Dans le psaume 1, le premier verset, le premier mot de ce verset dit « Heureux l'homme ». C'est de là que nous avons tiré la première base. « Heureux l'homme ». C'est-à-dire, qui veut réussir? Qui est cet homme qui veut réussir? Qui es-tu? Tu veux réussir? Qui es-tu? Quel est ton nom? Tu viens d'où? Tu vas où? Qu'est-ce qui est prévu dans ton existence? Lorsque nous connaissons qui nous sommes, lorsque nous découvrons notre nom divin, alors nous savons nous localiser, Il est parlé dans les textes. C'est comme un arbre planté près des courants d'eau. Tu es où? Tu es planté où? Qui donne ce fruit à sa saison. Tu es dans quelle saison? Et dont les feuillages ne se flétrissent pas. Tu puises où ton énergie? Vous voyez ça? Tu puises où? Et qui puise où? Heureux l'homme. Tu as donc besoin de connaître ton nom divin. Absolument. Absolument. Parce que ton nom divin renferme le contenu de ta raison d'être. Pourquoi tu es là? Parce que dans mon nom divin, il est défini pourquoi je suis là. Il est défini pourquoi Dieu m'a jeté sur la terre. Je viens faire quoi? Je viens quand? Pourquoi? Quelle est ma mission? À quoi ça sert que je sois là? Qu'est-ce que je fais là? Mon nom divin. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, nous voulons y aller avec la deuxième base. T'engager à poursuivre ta destinée. Nous verrons avec les jours qui viennent au courant de la semaine ou dans les semaines qui viendront, nous parlerons aussi des autres bases que sont vaincre les ennemis de ta réussite. 4, gagner le cœur de Dieu. 5, connaître et appliquer le principe naturel de la réussite. 5 bases qui sont, à mon avis, fondamentales pour faciliter ton effort pour réussir. Certains sont désactivés dans leur effort pour réussir parce qu'ils n'ont aucune base. Ils ne savent pas où ils sont. Ils ne savent pas où ils vont. Ils sont juste là. Tu es juste sur la terre. Tu ne sais pas où tu vas, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, qu'est-ce qui est prévu par Dieu, et ainsi de suite. Et c'est dans notre destinée, frères et sœurs, qu'est contenu toutes ces choses que Dieu a prévues pour notre vie. Et j'aimerais rapidement aider quelqu'un à comprendre le sens de la destinée de la manière suivante. Alléluia. Alléluia. La destinée peut être comprise comme ce que Dieu a prévu que tu sois depuis le commencement. Dans 1 Corinthiens 3, 9, il est écrit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Trois réalités que nous sommes. La première réalité, ouvrier avec Dieu. Un ouvrier, c'est un travailleur. Tu es travailleur, mais tu travailles dans quoi? Tu travailles dans les choses que Dieu est en train de travailler. Un ouvrier avec Dieu, c'est un ouvrier qui fait ce que Dieu est en train de faire. Autrement dit, Dieu aurait bien voulu faire lui-même, mais il décide que toi tu fasses à sa place. C'est comme ça que Dieu dit à Adam, nomme les animaux. C'est comme ça que Dieu dit à Adam, sois fécond, remplis la terre. Dieu dit à Adam, gère les jardins d'Éden. Je suis ouvrier, moi-même Dieu, je devrais le faire moi-même, mais je décide de t'envoyer sur la terre pour être un co-ouvrier, pour être un ouvrier avec Dieu. Vous voyez l'entreprise dans laquelle nous travaillons? Tu travailles dans l'entreprise de Dieu. Ta raison d'être est au travail pour produire. La deuxième raison, c'est que nous sommes les champs de Dieu. On n'entretient pas un champ pour rien. Le but d'un champ, c'est de produire. Un ouvrier travaille quelque part. Il travaille dans les champs. Ouvrier, Vous êtes les champs de Dieu. Ça veut dire, Dieu a besoin de récolter de ta destinée. Ta destinée, c'est un champ de Dieu. Dieu doit récolter de ta destinée. Ton existence sur la terre doit permettre à Dieu de récolter dans ta vie. Qu'est-ce que Dieu récolte dans ta vie? Les mensonges, les détournements, le péché. Il récolte quoi, Dieu? Et tu permets que Dieu continue à récolter ça? C'est quoi? Tu es un champ de Dieu. Et troisièmement, il dit l'édifice de Dieu. Un édifice, c'est une référence. Un monument. Tu es appelé à être un monument de Dieu sur la terre. Une référence. Les hommes et les femmes qui cherchent Dieu doivent, ils ont besoin d'une référence. Ils ont besoin de voir et de regarder un modèle, un monument. C'est toi les monuments. Dites à ton voisin, c'est toi les monuments, question. Mais pour l'être effectivement, tu dois être confectionné, tu dois t'engager à poursuivre ta destinée. Il faut poursuivre ta destinée. Bon, c'est pourquoi dans Jérémie 1:5, il est écrit de Jérémie, « Avant que tu fusses aussi dans le sein de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. » Prophète international. Alléluia. La deuxième compréhension du sens de la destinée, c'est que la destinée, c'est le plan original de Dieu pour ta vie. C'est là qu'il est écrit dans Jérémie 29, 11, « Je connais moi le projet que j'ai formé sur ta vie, projet de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. » J'ai un plan, c'est moi qui ai formulé le plan de ta vie. Où est ce plan pour moi, Seigneur? Dieu dit, « Moi je connais ce plan. » Comment attraper ce plan? Va chez Dieu, approche Jéhovah, cherche Dieu. Et tu vas retrouver ce plan. C'est moi qui ai conçu ce plan. Cela peut être compris troisièmement comme le but divin sur ta vie. Quel est le but, autrement dit? Avec ta vie, Dieu voudrait arriver à quoi? As-tu déjà fait cette prière? Seigneur, pourquoi tu m'as créé femme? Tu voulais arriver à quoi en me créant? Pourquoi tu m'as créé homme et tu arrives à quoi? Alors, à quoi Dieu voulait arriver lorsqu'il t'a créé ce que tu es? C'est ça ta destinée. Et tu dois poursuivre cette destinée dans son accomplissement total, son pleine expression. Alléluia. Quatrièmement, ta destinée peut être aussi comprise comme l'investissement divin dans ta vie. Toutes les choses que Dieu a déposées dans ta vie, naturellement, et qu'il continue à investir dans ta vie, constituent ta destinée. Il faut rentabiliser, mettre en profit ces éléments de ta destinée. Quatrièmement, notre destinée est aussi comprise comme ta mission sur la terre. Quelle est ma mission sur la terre? Je fais quoi là? Quelle est ma mission? Nous ne venons pas sur la terre pour nous-mêmes, frère. Je ne viens pas sur la terre pour jouir de la vie. Je viens pour une mission envers mes contemporains. Dites à ton voisin, tu n'es pas venu ici pour toi. Dis-lui que tu as une mission envers les autres. On ne s'enrichit pas pour soi. On ne devient pas pasteur pour soi. Si j'étais pasteur pour moi-même, je ne serais pas ici. Je serais en train de me prêcher dans ma chambre. Une mission. Dans notre génération, Dieu a te jeté sur la terre. Il a une mission avec toi, mon frère. Est-ce que vous me suivez? Bon, suivi, oui. Et si, sixièmement, la destinée peut être comprise également comme la grande image que Dieu a de toi avant de te créer. Vous savez, un artiste, avant de prendre l'argile et commencer à malaxer l'argile, il a d'avance une grande image de ce qu'il veut faire. Ta destinée, c'est la grande image que Dieu s'est formulée dans son esprit avant de te fabriquer dans les seins de ta mère. Jérémie 1:5, il dit, avant que je t'eusse formé, c'est Dieu qui t'a formé, qui t'a malaxé dans les seins de ta mère. Il t'a confectionné. Avant que je t'eusse confectionné, il dit, je te connaissais. C'est-à-dire, Dieu avait une grande image de ce que tu serais avant de te créer. Ta destinée, c'est cette image que Dieu avait. Et ta responsabilité, c'est de rechercher auprès de ce Dieu-là, quelle est cette image que tu as formulée sur ma vie. Dans Éphésiens 2:10, il est écrit, car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire, nous avons un moment été sur sa table de potier. Nous sommes son ouvrage. Il a œuvré. Nous sommes son ouvrage. Il a œuvré pour que nous existions. Ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et dans le psaume 139, verset 16, il est écrit, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. » Avant que le premier jour de mon existence dans le sein maternel arrive, Dieu me connaissait. Il avait une grande image de mon existence. Amen. Et la destinée a une double portée, la portée terrestre et la portée céleste. Et c'est sur la terre que nous sommes appelés à réussir pour le terrestre et pour le céleste. Tu ne vas pas travailler au ciel pour ajouter quelque chose à ta vie. Le boulot se termine ici. Si tu rates cette vie, tu as tout raté. Ta destinée a une double portée. Ta destinée ne consiste pas seulement à réussir sur la terre, mais aussi à réussir sur la terre pour le ciel, à s'enrichir sur la terre pour l'enrichissement au ciel, à gagner les âmes sur la terre pour qu'on en aille au ciel, à servir Dieu sur la terre pour qu'on soit serviteur au ciel. Les cotations pour le ciel ne se feront pas au ciel, elles se font ici. Il n'y aura pas d'autres œuvres au ciel que Dieu va coter. Lorsque nous arriverons au jugement de Christ, il va juger les choses que nous avons opérées sur la terre. C'est pourquoi, mon frère, je te supplie, poursuis ta destinée, conquiers tout ce que Dieu a prévu pour toi. Bats-toi, attends. Lutte à temps. N'attends pas d'être vieux. N'attends pas d'être vieille. N'attends pas l'âge du prostate pour commencer à rechercher quel était le contenu de ta destinée. Tu n'auras plus l'énergie. N'attends pas d'être vidé. Beaucoup de gens se disent, je viendrai à Dieu quand j'aurai fini d'expérimenter tous les plaisirs de la terre. Tu deviendras un Mukambi. Est-ce que vous comprenez ces mots-là? Unaona mua ukisha kamula unakuna na nyonya yote sukari ndani anabakia mukambi. Vous comprenez mukambi? Je sais pas ça s'appelle comment en français. Il y a déjà qui ont fait les littéraires ici, cherchez un dictionnaire. Alléluia. On ne vient pas à Dieu quand on a déjà enlevé tous les J de notre vie. Quand on a déjà tout sucé, quand il n'y a plus rien. C'est un morceau de quelque chose de vide. Un chiffon que tu ramènes à Dieu pour dire, Seigneur, sauve-moi, je viens à toi. Tu n'as plus rien à offrir. Malheureusement, rien à offrir et pour toi-même et pour ta génération. La Bible dit, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Notre destinée contient le service pour les autres. Et quand nous servons les autres, nous sommes nous-mêmes servis. Je vous ai dit la fois passée que la destinée, que notre nom ou les noms que Dieu confectionne pour les êtres humains, il ne le fait pas après une réunion de prière. Il le fait depuis le commencement de ta création. Et donc, cet homme qui est dans la vallée de l'ombre de la mort, assis sur 5 casiers de whisky, il a déjà fini une bouteille, il commence à avoir des vertiges. Il est possible que c'est un apôtre. Il est possible que c'est un bishop. C'est un pasteur d'une méga church, mais il ne sait pas encore. C'est ça son nom, c'est ça sa destinée, mais il ne sait pas. Et il gaspille les jours de sa vie dans l'impudicité, dans la débauche. Il gaspille les jours de sa vie dans des choses qui n'ont rien à faire avec sa destinée. Ça n'a rien à faire. Et quelquefois, lorsque vous rencontrez ces personnes, ayez pitié d'eux, parce que en réalité, c'est des malheureux profonds. Ne vous fâchez pas contre eux, sinon vous ne saurez pas les évangéliser. Mais si vous prenez conscience que lui aussi a une grande destinée, lui aussi a un appel à la grandeur, et que vous le trouvez dans la bassesse, ayez pitié de lui, et faites quelque chose. Ne le laissez pas comme ça. Même un petit mot, Dieu t'aime, peut faire quelque chose. Même un petit traité que tu lui glisses, peut faire quelque chose. Même une prière dans le cœur, Seigneur, sauve cet homme-là, peut faire quelque chose. Il a aussi une destinée. Buenas fiu. Dites à ton voisin, frère, tu as une destinée. Ne gâche pas ta destinée. Alléluia. Et donc tu dois travailler et lutter pour l'accomplissement de toute ta destinée parce qu'elle a double portée. Tu peux vivre riche sur la terre. Tu peux vivre succès sur la terre. Mais si cela n'est pas en train de produire double pour l'éternité aussi, alors à la fin de ta vie, tu vivras ce que le mauvais riche avec Lazare a connu. Il a été riche dans sa vie, mais à la fin, il a été mendiant. Et il a demandé, Abraham, envoie-moi une goutte d'eau. Vous savez, quand on est en affaire, on ne raisonne même plus bien. Il aurait dit, avoue-moi un thermos. Ou avoue-moi un qui, c'est comment ça s'appelle là? Parce qu'une goutte d'eau va sécher dans l'atmosphère quand elle vient. Il fait chaud ici. Tu raisonnes même plus correctement. Formule une bonne prière. Non. Quand nous sommes dans le péché, frère, nous ne réfléchissons même plus correctement. Regardez les gens qui courent derrière l'Égypte ou qui courent derrière l'argent. Vous allez vous rendre compte, mais cet homme, est-ce qu'il réfléchit même? Est-ce qu'il raisonne? Le péché nous modifie. Le péché nous détruit, même dans les mécanismes naturels de fonctionnement. Et donc, toutes ces personnes que tu côtoies, que tu visites, ils ont une destinée, mais qui est encore enterrée. Alléluia. Il faut faire quelque chose. Tu peux dire au voisin, fais quelque chose, frère. L'une des choses que le diable combat dans notre société, dans notre vie, c'est de rencontrer un homme, une femme, qui est engagé à poursuivre sa destinée. Le diable peut rester calme dans une église comme celle-ci s'il constate que tous ou que quelques-uns s'en foutent de leur destinée. Ils sont contentés juste de rien. Ils se limitent à se contenter du petit commencement de leur destinée. Ça n'inquiète pas les diables. Jusqu'à ce qu'ils rencontrent un homme qui dit, je veux tous les contenus de ma destinée. Un homme, une femme qui dit, je veux combattre, je veux lutter pour que tout ce que Dieu a imaginé sur ma vie s'accomplisse. Et qui court, comme Paul le dit, je cours vers les buts pour saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit dans Actes, je ne fais aucun camp de ma vie, comme si elle m'était précieuse, Actes 20, 24. Comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course. Et tout ce que Dieu a prévu pour moi, je cours vers les buts. Je ne me laisse pas distraire par les petits résultats. Je ne me laisse pas avaler par des petites situations. Je veux tout ce que Dieu a prévu. Je veux tous les plans de Dieu pour ma vie. Je veux toute l'idée de Dieu sur mon existence. Je veux le vivre. Je ne veux pas laisser un seul iota de ma destinée. Je veux tout vivre. Tu dis à ton voisin, frère, moi je veux tout vivre. Hey! Que Dieu nous aide, archois et archoises, à lutter pour tout vivre, à racheter chaque minute de notre vie, à racheter chaque semaine de notre vie, chaque occasion de chercher Dieu, d'approcher Dieu, à récupérer toutes les opportunités qui sont prévus dans notre destinée, parce que je vais poursuivre ma destinée. Archois et archoises, vous savez notre appel. Lumière des nations, porteur de salut. Tu peux le dire, j'aimerais que tu le retiennes. C'est ça notre nom. Jusqu'où? Jusqu'aux extrémités de la terre. Cette église a cette vocation, c'est ça son nom. Lumière des nations, porteur de salut aux extrémités de la terre. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, nous allons lutter pour que toute l'idée de Dieu pour cette église s'accomplisse. Je ne ferai aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que toi et moi, hommes et femmes, nous devenions lumière des nations. Nous devenions des transporteurs du salut aux extrémités de la terre. Et tu as ta destinée particulière. Tu as ton nom particulier. Tu dois lutter et te battre afin que ce nom s'accomplisse. Cesse de te distraire. Cesse de te contenter de rien. Il est arrivé que les Africains, pour être passés par tous ces événements humiliants, cette histoire que tu as connue, un passé humiliant, un passé misérable, tu ne pouvais même pas avoir à manger. Les jours où tu te donnes, Dieu te donne un petit job de 100 dollars, tu as l'impression que Dieu est arrivé lui-même. Mungwa mefika. Tu es incapable de percevoir qu'il existe des salaires aussi de 2000 dollars. Même de 10 000 dollars. Tu es incapable de percevoir qu'il existe des revenus de 1 million de dollars. Est-ce que ça existe? Et c'est pour qui? C'est pour les autres. Pour toi, inatosha. Ndatia makala pakupembeni ya mulango. Ndauzisha, inatosha. Asante Mungu, umenitembelea we mwenye. Haukunitumia malaika. Nimeona Mungu, nimeuona mkono wa Bwana. Est-ce que vous savez, frères et sœurs, qu'il y a beaucoup d'amis du diable ici? Les amis du diable, ce sont toutes ces personnes qui se sont exercées à se contenter du rien. Ils n'inquiètent pas le diable. Celui qui inquiète le diable, c'est celui qui s'engage à poursuivre toute sa destinée. Tant que tu vis pour juste vivre, pour juste papa Omer. Hey. Si les deux maisons là, Inatosha, Tabane. À cause de notre passé misérable, nous avons été modifiés dans notre système de fonctionnement. Et Dieu est écœuré de constater qu'il investit dans une église, qu'il investit dans des membres d'une église, mais que ces gens se contentent de rien. Tu te contentes d'un miracle par an. J'ai guéri un malade l'année passée. Vous pouvez lire sur Facebook et tu as fait une histoire. Bon, ça suffit. Regardez dans le passé, quand on égorge une vache, il y a des chiens du quartier qui viennent et qui se mettent là à côté pour attendre que vous terminiez vite pour qu'ils viennent laper. Et quand vous avez terminé, vous avez pris toute la viande, vous partez avec les chiens faits. Avec quoi? Les sangs. Et souvent, lorsque nous égorgeons la vache et que le chien est venu se poster là, il est en train d'attendre. Batani kumbuka bakweli. Et lorsque les bouchers ou les papas de la famille constatent que le chien est là depuis 30 minutes, il fait quoi? Il prend un os et il le jette à quelques mètres. Regardez le bonheur du chien. Ouh, il jump, il saute et il est prêt. Et il s'accroupit, il adore, les chiens adorent. Qu'est-ce qui se passe? Moufoupa. Mais c'est Moufoupa. Chien, tu tires quoi dedans vraiment? Et le chien lape l'os. Il suce l'os. Bon, heureusement, il y a un peu de moelle là-dedans. Il suce et il peut passer la journée là-bas pour vous laisser tranquille et vous laisser terminer le travail, faire les morceaux, mettre dans des sachets, mettre dans des birindas, transporter, ramener dans la maison. Le chien est occupé. Et quand Dieu essaie de nous bénir, la Bible déclare, il relève la poussière, ce qui est abaissé, et le fait asseoir avec les notables du pays. Quand Dieu commence à nous bénir, c'est comme un os qu'on nous a donné, un os de voiture. un os de maison, un os d'un petit commencement de ministère, un os d'une église de 15, 50, 70 membres. Au cours et au s'asseoir, on dit au moins 100 membres, ils peuvent me payer le loyer de ma maison, je peux manger avec ma femme et les enfants. Et puis même ces gens, ils peuvent m'acheter une petite voiture d'occasion un jour. Et le pasteur là, ça suffit. Il n'attoche. Et le diable dit alléluia. En fait, je ne sais pas si alléluia est défini comment. En fait, le diable est fait lorsqu'il retrouve des pasteurs qui sont prêts à être contents et satisfaits de ses 100 membres. Et quel est cet homme ou cette femme qui est en train de laper un os de mariage? Parce qu'à un moment, c'était devenu, Seigneur, si l'homme de ma vie n'est plus là, donne-moi même un os de mari. Dans l'ambou la ville. Donne-moi un os de travail. Vous savez cette phrase-là, Ufurahinaïle. Vous avez déjà entendu ça? Les gens prennent un verset dans la Bible qui dit, rendez grâce à Dieu pour toutes choses, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Mais quelle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour moi? Dieu dit de David, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Toutes mes volontés. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Quoi? Toutes ses volontés. C'est de ça que Dieu parle. Toutes les volontés de Dieu. Tu as besoin de vivre toutes les volontés de Dieu de ta vie, frère. Cessons de nous contenter d'un os. Vous voyez ces prières-là? Seigneur, depuis le tournant, je suis en train de prier, il reste une semaine. Bon, donne-moi ce que tu vas trouver. C'est ça que tu commences à dire à Dieu? Moi, je demande la totalité de ma destinée. Archois et archois, réclamons la totalité. Et poursuivons. Pourquoi poursuivre? Parce que, premièrement, le diable n'est pas d'accord de nous voir accomplir toute notre destinée parce que c'est dangereux pour lui. Alors il est prêt même à pactiser avec nous dans l'esprit du minima. Le minima, inatosha. Ça me suffit. Muniache. Frère, va travailler. Non, j'ai encore, dans mon compte, il y a encore assez d'argent. Regardez les creuseurs. Vous voyez? Ils ont creusé, certains sont morts dans l'éboulement. Et quand ils sortent avec un colis de coltan ou de quoi, ils vendent et pour eux, ça suffit. Ils vont, ils boivent. Il se marie et puis il rentre dans les trous pour chercher le prochain sac. Jusqu'à ce que la mort le sépare de la terre. Enfin, le sépare de la carrière. Pendant que celui qui achète ses sacs est en train de faire des millions en Occident, et en train de transformer ces matières en quelque chose, et en train de transformer son pays, toi tu es en train de te contenter de l'alcool, du sexe et de la gloire dans le village. Est-ce pour cela que Dieu t'a créé? C'est ça ta destinée? Nous venons à l'église et nous prions Dieu. Nous voulons que Dieu agisse. Mais malheureusement, avec ces modifications de notre système, nous avons appris à couler avec le temps, à couler avec les circonstances. Kwenye mungu anatupele kanjo kule, muniache, sitaki kujitesa. Dis à ton voisin, tu as un appel à la grandeur. Tu dois poursuivre cela. Ne te lasse pas d'y aller. Et tu dois y aller. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand Dieu commence à te bénir, en fait, il est juste en train de t'essayer. Vous savez l'histoire d'où nous venons? Histoire de misère morale, de misère matérielle, financière, de misère sociale. Ça nous a tellement humiliés. Et Dieu a promis de nous sortir de là pour nous faire asseoir avec les notables du pays. Mais Dieu ne le fait pas brusquement. Il fait ça progressivement. Alors, quand il commence, si Dieu te sort de la poussière, qu'est-ce qu'il va faire d'abord? Il va te pousseter, non? La bénédiction que tu as aujourd'hui n'est que Dieu est en train de t'es poussé avec ces petites voitures. Akuto Shavumbi. Désormais, tu quittes la maison, tu entres dans la voiture, la poussière ambiante ne va plus t'atteindre. Dieu est en train de te pousser. Mais le diable veut que tu regardes ça comme la fin de tout. Combien sont en train de te pousser ici? Levez la main. Est-ce que c'est la fin pour vous? Mungu kwa kutosha vumbi. Ndugu yangu. Ana kutosha vumbi muhuduma. Uliombea mtu, mapepo ikalalamika, ukaifukuza. Haiko mwisho. Il est juste en train de te sortir de la poussière pour te faire asseoir avec les notables du pays au plan spirituel. Alors, ne te limite pas, ne noyez pas. Usizame mukale kafaze. Ne noyez pas au premier escalier, au premier échelle. Ne sombre pas. Il est juste en train de t'enlever la poussière. Il y a plus que cela qu'il prépare pour toi. Il y a plus que ça. Partageons sur cette menace à notre destinée. Alléluia. La première menace, c'est que ta destinée peut être changée. Déjà, dans le jardin d'Éden, la destinée de l'humanité a été changée. Au commencement, Dieu prévoyait que l'homme sera occupé à faire les champs, à travailler sur l'économie, à gérer, à être un leader d'un environnement arrangé par lui-même, tout en respectant les principes divins. Mais le diable est venu pour modifier, pour changer sa destinée. Et il est péché, il a tombé, il est tombé dans le péché, il a offensé Dieu. Il devait passer sa vie dans ce bonheur, dans le jardin d'Éden. Il a été prévu qu'il va procréer, soit fécond, multiplie, remplit la terre, assujettit la terre. Désormais, c'est lui qui est assujetti. Sa destinée est modifiée. Et nous tous, depuis sa chute, l'humanité, au lieu de s'occuper des choses importantes, du commencement, de gérer, de construire, d'arranger des choses, nous sommes occupés à évangéliser. Ce n'était pas prévu au commencement que nous serions passés des milliers d'années à évangéliser, à chercher à ramener les gens à Dieu. Ce n'était pas prévu. Ce qui était prévu, c'était cultiver la terre, procréer, gérer, arranger votre environnement, jouissez de la création. J'ai tout préparé pour vous. C'est ça votre destinée. Notre destinée peut être modifiée, peut être changée. Changée. Il est écrit dans Ecclésiaste 10, 5 à 7, ce qui suit. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil comme une erreur. Comme une quoi? Une erreur provenant de celui qui gouverne. Verset 6. La folie occupe des postes très élevés et les riches sont assis dans l'abaissement. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Autrement, des princes marchant à pied. Il est possible qu'ils marchent même pieds nus. Des princes. Tu es prince, mais ta destinée a été changée en esclave. Tu as été changé en esclave. Le sage dit, cela arrive comme une erreur de celui qui gouverne. Une erreur. Des erreurs sont commises par la malveillance de ceux qui gouvernent. Mais qui gouverne? Les parents qui gouvernent sa famille avec malveillance travaillent sur le changement, la destinée de ses enfants. Un éducateur, enseignant, directeur d'école, qui ne fait pas bien son travail, est en train de modifier la destinée des enfants. Un professeur d'université qui injecte des semences malsaines, d'occultisme, dans son enseignement, il est en train de changer la destinée de quelqu'un. Un dirigeant d'une ville, d'une province, d'une nation, dans sa malveillance, il est en train de modifier, de changer la destinée de quelqu'un. La parole dit, c'est comme une erreur, mais c'est une erreur néfaste. Parce que qu'est-ce qui te reste? Si ta destinée est changée, qu'est-ce que tu restes avec? Tu vas aller dire quoi à Dieu quand tu vas quitter la terre? Tu as vécu quelle destinée? Dieu dit à Caïn, fais attention, ta destinée va être changée. Si tu agis bien, tu relèveras la tête. Mais si tu agis mal, le péché est tapis à ta porte et tes désirs se tournent vers toi. Je vois les jours suivants, lorsque Dieu vient pour dire, où est ton frère Abel? Et quand elle lui répond, suis-je gardien de mon frère, moi? Et Dieu lui dit, tu vas errer. Est-ce que cela était prévu dans sa destinée? Désormais, ta destinée consiste à errer sur la terre, comme du vent, Et lui-même comprend la gravité de la chose. Et il dit à Dieu, mais Seigneur, si j'erre partout, on va me tuer là-bas. Dieu dit, il y aura la sécurité de ton malheur. Vous savez, quelquefois, nos malheurs sont sécurisés. Dieu dit, je maudirai vos bénédictions. Le malheur de Caïn est sécurisé. Tu ne vas pas mourir. Et celui qui te tue va le payer cette fois. Ta destinée peut être changée par une erreur de celui qui gouverne. Mais il n'y a pas seulement les autres qui nous gouvernent. Il n'y a pas seulement les autres qui décident sur notre vie. Toi-même, tu gouvernes ta vie. Donc, cela peut provenir d'une erreur de toi-même. Tu es aussi un gouvernant de ta vie. Et ton erreur peut changer ta destinée. Je vous ai dit, si un bishop qui ne sait pas encore qu'il est bishop, si un entrepreneur, si un grand leader ne sait pas encore, ne connaît pas encore son nom, et qu'il est en train de naviguer dans les sexes, dans les choses là-bas, il ne sait pas, eh bien, qui l'a amené là-bas? Ce sont ses choix, ce sont ses décisions, c'est sa forme de pensée. Il est lui-même qui gouverne sa vie et décide de l'amener là-bas. Sa destinée est modifiée, sa destinée est changée par la faute de lui-même. Demande au voisin comment tu gouvernes ta vie. Des princes marchent à pied. Des esclaves marchent sur des chevaux. À quoi ça sert? Pourquoi cela arrive? Parce que ce que tu aurais dû faire au moment voulu et qui entraînerait des retombées de ta vie et ta destinée, vous savez, chaque étape de notre destinée bien réussie nous conduit à l'étape suivante. Lorsque j'ai réussi à franchir ce premier escalier, une étape de ma destinée, et je la franchis bien, ça me rapproche de l'escalier suivant, de ma destinée. Si je rate la montée de mon premier escalier, si je le rate, je vais me retrouver en tournant en rond ici. Alors que Dieu m'attend au sommet de ma destinée. Dieu m'attend dans la totalité du rêve divin. Il m'attend dans la totalité de son idée sur moi. Il m'attend dans la totalité de son but pour mon existence. Et je vais tourner à rond jusqu'à ce que mes années s'épuisent, s'achèvent et on va m'enterrer. Et la tombe ne va pas me refouler. Avez-vous déjà vu une tombe qui refoule quelqu'un? Oui, Malisa vient à Korudi à couler. La tombe va dire bienvenue parmi les morts. En fait, les morts malheureux. J'ai pris qu'un archois meure bien après avoir accompli toute sa destinée. J'ai prié que l'église arche, avant que la trompette sonne, nous ayons achevé, accompli toute la prévision divine sur nous, lumière des nations, transporteur de salut aux extrémités de la terre. Pour faire quoi? Pour donner la vie effective aux hommes et aux femmes de notre génération. Jésus dit, les voleurs viennent pour voler, détruire, égorger. Moi, je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait effectivement. C'est-à-dire qu'elle ait la vie et qu'elle ait en abondance. Qu'elle ait la vie et qu'elle ait la vie dans sa plénitude. qu'elle ait la vie, mais que cette vie soit la plénitude de la grandeur, de la prévision divine. Je veux que chaque archois, et je ne me donnerai pas de cesse jusqu'à ce que toi et moi, nous y arrivions. Alléluia. Alléluia. Dans Chronique 4, il est parlé de Jaébet, ce jeune homme qui est né dans la souffrance. 9 à 10. Et sa mère dit, Jaébet, parce que je l'ai enfanté dans la souffrance. Oh, est-ce parce que tu as eu de la souffrance en mettant un enfant au monde? Cet enfant deviendra la continuation de la souffrance? Non. Il n'est pas écrit et prévu dans sa destinée que sa destinée, c'est un prolongement de souffrance. Non. Non. Même si tu es né au village, prématuré, ta destinée ne sera pas une continuation de prématuré. Tu vois, comme j'étais né prématuré, donc je commencerai aussi à mettre au monde des enfants prématurés. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Il y a une destinée sur toi. Heureusement, un certain jour, ce jeune homme, je crois, il a réfléchi sur lui et il s'est dit, pourquoi je suis une expression de la souffrance, du malheur, des limitations, des misères, d'humiliation. Je crois qu'il s'est dit, Dieu, là où tu es au ciel, est-ce que c'est tout ce que tu as prévu pour moi? Et il est parti chercher Jéhovah. Que quelqu'un, dans ces quelques jours qui restent, aille chercher Jéhovah. Viens et cherche Dieu. Alléluia. Et il a dit, Seigneur, si tu me bénis, et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, 3 points de 6 passions. Ça, c'est un homme résolu à poursuivre sa destinée. On a mis exclamation, 3 points de 6 passions. Vous avez vu ça? Je ne sais pas s'il était en train de dire, si tu me bénis, parce que ça peut être exprimé en 3 points de 6 passions. Si tu m'enlèves de la souffrance, si tu fais quelque chose, Seigneur, c'était un homme résolu. Frère, sœur, Dieu t'appelle à la résolution ce matin. Tu dois être résolu à poursuivre la destinée que Dieu a confectionnée pour toi. Et nous allons continuer avec les autres menaces demain et les autres bases au courant de la semaine. Et le matin, on va voir ce qui va se passer. Ne ratez pas le matin, s'il vous plaît. 6h à 7h. Lèvons-nous, on va prier un instant. Il y a une destinée prévue pour toi. Tu dois la conquérir. Le message vous a fatigué ?